Il est vivant. Sur une route écrasée de soleil, deux hommes marchent d'un pas pesant. Ils ont quitté Jérusalem le matin même et se dirigent vers Emmaüs. Ils sont tristes et abattus. « Tout est fini », se lamente l'un. « Jésus est mort. » Et nous qui pensions qu'il serait le libérateur d'Israël, ajoute l'autre découragé. Tandis qu'ils discutent, un homme les rejoint sans bruit. « De quoi parlez-vous en chemin ?» demande l'inconnu. « Ah, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui vient de se passer à Jérusalem !» s'étonnent les deux hommes. « Nous parlions de Jésus, le grand prophète !» Les chefs des prêtres l'ont arrêté et crucifié. Quel malheur ! Nous espérions tant qu'il délivre Israël ! Mais ce matin, des femmes de notre groupe nous ont appris d'étonnantes nouvelles. À la première heure du jour, elles sont allées au tombeau de Jésus, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles racontent même que des anges leur sont apparus. Ils leur ont affirmé que Jésus est vivant. Quelques-uns de nos amis sont allés au tombeau pour voir si ce qu'elles disent est vrai. Mais ils n'ont pas vu Jésus. Nous ne savons plus quoi penser. « Ne comprenez-vous pas ?» répond le mystérieux voyageur. Depuis Moïse, tous les prophètes avaient annoncé cela. Et il commence à leur expliquer tout ce qui le concerne dans les Écritures. Les deux hommes écoutent sans se lasser ce surprenant inconnu qui parle avec des mots de feu. Leur cœur est tout brûlant. Une lumière dorée annonce le soir. Les voyageurs sont arrivés aux premières maisons du village d'Emmaüs. Les deux compagnons s'arrêtent à la porte d'une auberge pour y passer la nuit. L'inconnu semble vouloir poursuivre son chemin. « Reste avec nous ! Il se fait tard et il va bientôt faire nuit !» l'invite un des deux compagnons. L'homme accepte et entre avec eux. Alors qu'ils sont à table pour dîner, il prend du pain, le bénit, le partage et le leur donne. Alors les deux voyageurs comprennent. Celui qui se tient devant eux, c'est Jésus. Mais au moment même où ils le reconnaissent, celui-ci disparaît à leurs yeux. Laissant là leur repas, ils se lèvent d'un bond et retournent aussitôt à Jérusalem. Ils vont tout droit chez les apôtres pour leur annoncer la nouvelle. Mais à peine sont-ils entrés que les 11 s'écrient tous à la fois. « C'est vrai ! Jésus est ressuscité ! Il nous est apparu !» Et tandis qu'ils parlent entre eux, Jésus est là, au milieu d'eux. Et il leur dit « La paix soit avec vous !» Les apôtres et leurs amis sont fous de joie. « Jésus est vivant ! Alléluia !»